Alors comment faire? Et j'en viens à mes mots de conclusion avant qu'on échange. Comment faire? Je suis devant vous au nom d'un laboratoire qui essaye de montrer à l'heure de cette révolution numérique comment, au cœur de la modernité, on peut défendre, essayer de défendre le meilleur de la tradition et, à partir de cela, créer de la valeur. Valeur de l'indépendance, valeur de la qualité, valeur du public. Je suis donc devant vous au nom de Mediapart. Mais Mediapart, et surtout quand les révélations de Mediapart confortent les convictions des uns et des autres, on nous dit souvent « vous êtes courageux ». Et moi, je suis content, je ne vais pas dire être fâché qu'on nous dise ça. Et en même temps, c'est un compliment qui me gêne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que quand des petits poissons sont dans une mer polluée, vous leur dites « soyez courageux ». Nagez bien, soyez courageux, les petits poissons. Non, vous vous occupez de dépolluer la mer. C'est la même chose pour le journalisme. Pourquoi les journalistes auraient-ils besoin d'être courageux pour faire bien leur travail? Pourquoi les journalistes ont-ils besoin de se faire plein d'ennemis, d'être transgressifs, d'avoir quelques campagnes de calomnie, parfois, de subir pas mal d'attaques, d'encaisser, comme cela m'est arrivé depuis 35 ans, pour bien faire leur travail? Non. Il faut déjà leur donner les conditions d'être au meilleur de ce qu'ils peuvent être. Et ça, cette question-là, elle n'appartient pas aux journalistes, c'est la vôtre. On ne peut pas rester dans cet état de notre système d'information, dans une démocratie digne de ce nom. Aujourd'hui, indigne de ce nom, de ce point de vue, en France. On ne peut pas. Rendez-vous compte. Nous n'avons pas l'équivalent du Freedom of Information Act qui existe aux États-Unis depuis 1967. Ce droit d'accès des citoyens à l'information, créant une culture de la transparence des administrations. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas des mensonges, il n'y a pas des crimes d'État, mais il y a un levier pour avoir les informations au plus vite et très souvent permettre à la presse de les dénoncer. Et cette tradition-là existe en Grande-Bretagne. Depuis 2005, il y a son équivalent dans beaucoup de pays européens. Nous, nous n'avons pas. Nous avons une culture du secret défense, de l'entrave à cette connaissance et à ce savoir. Rendez-vous compte, c'est un petit détail au moment de l'affaire Karachi. Dans l'affaire Karachi, on découvre qu'il y a un problème sur les comptes de campagne. Vous vous souvenez, M. Balladur, en 1995. On découvre, nous l'avons révélé et ce n'est pas contesté, que les fonctionnaires qui défendent l'intérêt public voient les comptes de campagne et disent « c'est pas possible ». Là, il y a de la truanderie, pour dire les choses franchement, ils l'ont dit plus poliment que moi. Donc ils disent au Conseil constitutionnel « on ne peut pas valider les comptes de M. Balladur ». Les fonctionnaires, des gens qui pensent à l'intérêt public, à la loi et tout. Conseil constitutionnel présidé par Roland Dumas. Et qu'est-ce qui se passe? On leur fait refaire leur copie? C'est-à-dire qu'on est à l'instance suprême, sur l'enjeu suprême qui est l'élection présidentielle? Les comptes sont faux? Et on leur dit, ah ben non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça à un ancien Premier ministre, on ne peut pas faire ça avec ça. Et on leur fait refaire leur copie. Alors, tout ça est su, hein. Mais le juge d'instruction, aujourd'hui, demande la délibération du Conseil constitutionnel. Il y a 9 sages. Ben, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont parlé, ils ont discuté. Comment sont-ils venus à faire que ce qui était noir devienne blanc? Comment ils ont fait? Je rappelle qu'en France, on n'a même pas les avis minoritaires du Conseil constitutionnel. On n'a pas. Donc il a écrit au président du Conseil constitutionnel actuel en disant « je voudrais savoir la délibération ». Réponse. Monsieur le juge, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, les délibérations du Conseil constitutionnel sont secrètes durant 25 ans. Mais est-ce que c'est une échelle démocratique, 25 ans? C'est une échelle pour les historiens, c'est une... Mais pour nous, par rapport à des enjeux, on défère la question prioritaire de constitutionnalité, tous ces débats-là, on défère plein d'enjeux qui nous concernent. La Constitution, c'est la table de la loi, de la démocratie. Eh bien, 25 ans de secret. Alors qu'ils sont nommés tous par les majorités politiques, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée. On est bien loin de Bailly, on est bien loin de la transparence de la vie politique qui est la sauvegarde du peuple. Je pourrais continuer, nous n'avons pas une loi protégeant vraiment le secret des sources, la preuve, la violation. Le secret des sources, la violation par les services de renseignement sur les journalistes dans la période récente. Le secret des sources, ce n'est pas la protection des journalistes, c'est la protection du citoyen. Du lanceur d'alerte, qui quand il n'a pas d'autres possibilités, qu'il a le sentiment de les avoir épuisées, il faut qu'il ait ce recours et qu'il se dise, c'est le confessionnal ce recours. Au journaliste de faire son travail, au journaliste d'assumer ses responsabilités, s'il a cru une alerte qui s'avérait fausse. Mais c'est lui qui doit en rendre compte. La source doit rester protégée. C'est ce que toutes les sociétés réellement démocratiques ont prévu. Il y a une loi belge formidable pour le secret des sources. Et nous sommes bien au-delà. Le mélange des intérêts dans le secteur privé des médias. Nous sommes la seule démocratie où des industriels qui n'ont rien à voir avec les métiers de l'information, qui sont dans cette oligarchie de l'avoir et du pouvoir dont j'ai parlé, qui sont ces milliardaires familiaux qui sont au cœur du système aujourd'hui, qui dépendent de la commande publique ou qui dépendent de leur entre-gens auprès du pouvoir exécutif, sont au cœur du système médiatique. Dans les autres démocraties, il y a des industriels, des médias. Leur métier, c'est d'essayer de gagner de l'argent avec cette marchandise un peu particulière qu'est l'information. Chez nous, le bâtiment et les travaux publics, les avions de guerre, l'aéronautique et l'aéronautique de défense, le BTP, le bâtiment et les travaux publics, le luxe, l'import-export, les ports africains, l'industrie du papier, je pense à un voisin, M. Bolloré. Et quelle est la légitimité de tout cela? Quel est le sens? Comment cela peut faire des rédactions dynamiques? Comment cela peut faire des rédactions fières d'elles? Vous en avez le spectacle, et je continue par mon quatrième exemple qui est le service public, et je donnerai le spectacle après. Le quatrième exemple, c'est le service public où dans notre pays, non seulement déjà la situation était malsaine par une autorité de contrôle qui est, comme toujours, nommée indirectement par le pouvoir exécutif présidentiel avec ses majorités qui en découlent, mais maintenant une régression où c'est même le président de la République lui-même qui nomme les patrons de l'audiovisuel public. Quelle que soit la qualité des personnes concernées, c'est forcément une régression de culture démocratique, de culture d'indépendance, de fierté professionnelle. Et cela donne quoi? C'est comme ça que je ne me fais pas toujours aimer dans mon milieu professionnel, mais comment un journaliste digne de ce nom peut-il accepter le spectacle qui a été encore donné récemment, qui s'est accru d'un président à l'autre, ce n'est pas le premier à avoir commencé, c'était le cas déjà sous François Mitterrand, d'un président de la République qui peut s'inviter quand il veut, choisir sa date, choisir ses intervieweurs, choisir ses chaînes, et là, dans le cadre de l'émission à TF1 et France 2, pire, choisir son réalisateur et imposer son producteur. Lequel producteur est à la tête du Journal du Dimanche, propriété de Lagardère, et d'une filiale télévisuelle 100% Lagardère? Et lequel producteur, parole du porte-parole de la présidence de la République, Franck L'Ouvrier, dit « on était très, très content de la contribution, il y avait TF1, il y avait France 2, qui de fait n'étaient plus que des diffuseurs, hein, pour dire les choses franchement, et on était très content du rôle qu'il a joué parce que c'est lui qui était dans l'oreillette. Et cela a empêché les querelles d'ego entre les deux journalistes intervieweurs. » Donc, en clair, le zèle des deux journalistes intervieweurs. Le droit de suite, monsieur le Président, vous dites des bêtises, il n'y a pas 5% des membres de force de l'ordre qui sont morts ou blessés gravement chaque année. Autrement, il y en aurait 35 par jour. Donc, on serait en guerre civile. Une bêtise. Vous êtes en train de mentir aux Français. C'est un mensonge. Il faut le rectifier, monsieur le Président. On peut poser la question plus poliment, hein, que je viens de le faire, bien sûr. Mais je prends juste cet exemple parmi les choses qui sont passées, comme beaucoup d'autres. Et donc, je pourrais multiplier. Mediapart se lancera ce sera notre campagne présidentielle dans une campagne pour une loi fondamentale pour la liberté de l'information dans ce pays, pour refonder l'écosystème de l'information dans ce pays, pour retrouver ces valeurs d'indépendance, de droit des citoyens à l'information. Et nous le dirons haut et fort pendant la présidentielle. Et nous le dirons d'autant plus qu'il y a cette révolution industrielle du numérique, et qui, loin d'être une menace, peut être un levier démocratique formidable. Et c'est pour ça que le droit d'accès au numérique devient un droit aussi fondamental que le droit à l'eau ou à l'électricité. C'est le droit d'accès à l'information. C'est le droit d'accès au savoir, aux connaissances. Les leçons du Collège de France, on peut les voir sur Dailymotion aujourd'hui. C'est le droit au partage de la connaissance. C'est une université populaire. Ce n'est pas les tuyaux qui font les contenus, c'est nous qui devons faire les contenus. Et ce n'est pas parce qu'il y a des imbécilités qui circulent sur Internet, comme dans les kiosques il y en a, que cet outil n'est pas un formidable outil démocratique. Pourquoi est-ce un outil démocratique ? Parce que tout d'un coup, c'est une utopie possible de démocratie non plus verticale, mais horizontale. C'est sortir de cette vision pauvre de la démocratie qui serait seulement la démocratie représentative et d'assumer une dynamique de démocratie participative, de démocratie délibérative, de démocratie où on s'ajuste, on se critique, on se rectifie. De démocratie, on a le droit de dire une bêtise, mais on va apprendre de l'autre et on va revenir sur sa bêtise. De démocratie où l'on fait profiter de son expérience. Et le mot expérience donne un autre sens au mot expert. Il n'y a pas que l'expert qui serait le sachant. Il y a l'expérience qui vient du savoir que l'on a acquis comme ouvrier, comme paysan, comme ingénieur, comme travailleur, comme employé, comme instituteur, un métier qui donne une expérience et que l'on peut faire partager et communiquer, y compris dans notre société où nous vivons plus longtemps et où nous avons des savoirs à transmettre entre générations, hors des cadres classiques de transmission du savoir. C'est un lieu où on peut faire une information plus enrichie. Pourquoi ? Parce que son ressort, c'est le lien hypertexte, c'est-à-dire la documentation, la référence, et puis le commentaire, et puis la discussion, et puis la correction, et puis la rectification. Tout cela peut permettre cette dynamique au cœur de ce que permet potentiellement cette révolution industrielle si nous lui donnons sa traduction politique, sa traduction démocratique. Voilà ce que je voulais vous dire avant qu'on échange. Nous sommes dans un moment où cette question que vous avez mise à l'ordre du jour ce soir me semble être, vous savez, ce que les Républicains appelaient la question de Banquet au XIXe siècle. À l'époque, c'était le suffrage universel, la question de Banquet. Et je pense que la question de Banquet, c'est cette question démocratique de l'information la plus large, de l'information libératrice sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour créer de nouvelles dynamiques. Vous savez, dans les révolutions arabes, et notamment la tunisienne, il y a eu un effet déflagrateur de l'information. Quand Wikileaks met en ligne les télégrammes de l'ambassade américaine à Tunis, qui sont traduits en arabe, en français, et que l'un de ces télégrammes s'appelle « Tout ce qui est à toi est à moi », télégramme qui décrit la prévarication par le clan Trabelsi Ben Ali. Les Tunisiens le lisent sur les réseaux sociaux, partout, dans la presse, dans les agoras du monde arabe, Al Jazeera et ailleurs, la presse. Bien sûr qu'ils le savent, les Tunisiens, ça. Mais tout d'un coup, il y a un effet, comme le fou du roi, celui qui peut dire « le roi est nu ». Ils disent « mais eux aussi le savent ? Ah bon, l'hyperpuissance américaine sait que ça se passe comme ça ?» Et non seulement ils le savent, mais ils l'écrivent sans fioriture à leur président. Ils le disent. Ah bon, ben, s'ils le savent et s'ils le disent, mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour bouger ? Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter cela ? Et c'est comme ça que s'est produit l'événement, l'improbable, l'imprévu. Par cette dynamique-là où tout d'un coup, on dit non. Le premier pas pour refuser la servitude, c'est de savoir dire non. Vous savez, c'est Montaigne rendant hommage à son ami Étienne de la Boétie, qui avait écrit « De la servitude volontaire » dans les essais, disait « C'est peut-être d'avoir lu dans Plutarque qu'une peuplade était entrée en servitude éternelle pour ne pas savoir prononcer une syllabe qui est non, qui a donné à Étienne de la Boétie son idée du traité de la servitude volontaire. » On doit dire non. Il faut d'abord commencer par dire non à ce qui est intolérable, à ce qui est insupportable, à ce que nous vous mettons sous les yeux. Voilà mon petit message. Nous sommes, nous, journalistes, impuissants s'il n'y a pas ce relais où autre chose se passe. Et notre rôle, c'est de mettre sur la table ce qui mettra en mouvement cette étincelle qui peut-être nous permettra de réinventer un avenir commun. Merci.